Eh bien, voilà comme vous vous en allez! Cria Lisbeth à Crevel. Ah! Lui dit Crevel, il est devenu très fort, mon gendre. Il s'est formé. Le palais, la chambre, la rouerie judiciaire et la rouerie politique en font un gaillard. Ah ah! Il sait que je me marie mercredi prochain. Et dimanche, ce monsieur me propose de me dire, dans 3 jours, l'époque à laquelle il me démontrera que ma femme est digne de moi. Ce n'est pas maladroit. Je retourne signer le contrat. Allons, viens avec moi, Lisbeth, viens. Ils n'en sauront rien. Je voulais laisser 40 000 francs de rente à Célestine, mais Hulot vient de se conduire de manière à s'aliéner mon cœur à tout jamais. Donnez-moi 10 minutes, père Crevel. Attendez-moi dans votre voiture à la porte. Je vais trouver un prétexte pour sortir. Eh bien, c'est convenu. Mes amis, dit Lisbeth qui retrouva la famille au salon, je vais avec Crevel. On signe le contrat ce soir, et je pourrai vous en dire les dispositions. Ce sera probablement ma dernière visite à cette femme. Votre père est furieux. Il va vous déshériter. Sa vanité l'en empêchera, répondit l'avocat. Il a voulu posséder la terre de Presles, il la gardera. Je le connais. Eût-il des enfants, Célestine recueillera toujours la moitié de ce qu'il laissera. La loi l'empêche de donner toute sa fortune. Mais ces questions ne sont rien pour moi. Je ne pense qu'à notre honneur. Allez, cousine, dit-il en serrant la main de Lisbeth. Écoutez bien le contrat.